إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبونا من جلب تمودة مسجد شيخ ويسير أن نبان قابل كي نؤمني سي أنتم أن سيلوي كي نؤمن أنتم أن كوايان نوكزين إن لا كونفكشن parole Allah subhanahu wa ta'ala yina plus valeur, yina plus pouvoir, yina plus l'effet de n'importe qui ça dans sa parole. Sa conviction là nous aime. Quand nous dire parole Allah subhanahu wa ta'ala, en deux mots nous dire ayat Quran, nous dire ayat Quran, qu'il soit pour moi mon lecture, ou bien pour nous écouter le lire, quelle que soit la façon. Quand les paroles Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, c'est le premier de la vie, de nous rendre ce qui nous envie d'écouter ces paroles d'Allah. Qui fait, parce qu'il ne faudrait pas me penser, la cause qui n'a rien été le jour et n'a causé la leçon, mais dès qu'on peut l'écouter, ça lui fait l'effet le moins. Ça mine. Il n'y a pas qu'un droit pour ça. Il parle pas comme ça. N'importe qui ça n'a qui m'a écouté, cher professeur, rappelle-la, dis-la, ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala qui fait l'effet le moins. Ils n'ont pas parlé de ça. Qui fait? Parce qu'il nous répète, Inch'Allah, quand on commence le bout qui est avec nous pour aujourd'hui, nous capables pour. Mais. Pas une question qui ne pas, tu connais. Mais ça, c'est pas quelque chose de drôle, ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala vient dire aux déprimants de maman, je ne pas tu connais. Mais il n'y a pas de maman. Quand nous les a dit, quand nous avons Imam Bukhari, rahimahullah, qui a raja yena la sadina? Imam Bukhari, quand tu prends les hommes, si tu connais les hadiths, pour qui? Non, il n'y a pas de connaître. Non, il n'y a pas de connaître. C'est quand nous commençons à faire ce sépôt, à ce moment-là, il n'arrive pas à ce qu'il n'arrive. Mais pour un croyant, ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala, qui tous les temps viraient s'imprégner dans le matin de Shabbat. L'exemple qu'on vient dire, nous disions la semaine passée, Inch'Allah, cette semaine-là, nous causons de beaucoup de magos. Beaucoup parmi nous, Wattan, oui, comment il était, en même temps, vous expliquer. Parce que ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement avant ça, nous disons qu'on est qui, à l'exemple de ce que nous faisons dans le Namaz Isha. Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause de ça. Donc, qui sont les paroles qui viennent avant là? Ça qui nous tendait dans lundi après Isha, ou bien ça qui nous tendait lundi dans Namaz Isha? Laquelle qui vient pour nous? Il fait bien la différence. Ça qui nous tendait dans Namaz Isha, ces paroles, le Créateur. Ça qui me tendait après Namaz Isha, c'est parole d'une seule créature. Laquelle parole qui vous a fait plus l'effet le moins? Oh donc, si vous trouvez pas que faire l'effet le moins, ou bien vous avez compris, vous avez besoin de retourner vers qui ça n'a? Vers vous-même. Problème là, vous avec vous-même. Comment se fait-il? Imam, il dit, ayat qui cause le yaktoud, jawa maktoud, mais seulement ça va le réveiller dans l'idée au moins. Parole Allah. Mais après quelques minutes, un qui gagne cause en créole, ah oui, c'est intéressant, ah, mais comment ça? Chers frères et sœurs de nos bêtés, nous gardons ici, nous sommes malades. Et un malade grave. Comment se fait-il une parole insane capable, plus et n'a l'effet le moins, qui parole? Parole Allah. Vous voulez faire? Parce que quand nous retournons à la fin sur Al-Hashr, car Allah subhanahu wa ta'ala peut dire: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل la réalité pour franchir. De ce terrain de franchir de l'œil. Si tu existes sans ça pour un autre montagne, une montagne. Sa montagne-là qui me guide, il n'a pas chier. Mais une franchir de l'œil pour la prière d'Allah. Ça va une parole qui n'a pas. Montagne, rose. Rose qui arrive, ça va être défié. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le début de Surah Muzammil, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Ô Muhammad, nous vous descendons d'autant par une parole bien, bien lourde. Sa parole qui nous fait tomber, celle-là qui n'est pas lourde. Qui parole qui lourde? Ça qui nous fait tomber dans la masse, c'est ça qui lourde. Mais ça qui lourde là, on fait l'effet de moi. Ça qui lourde là, on fait l'effet de moi. Quand Nadia ou Aisha, radiallahu anha, comment te connais, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ou Arim et descendre au lit, les dires que vous trouvez, les transpirer dans une lanune qui peut faire bien frais. Vous connaissez Arim et descendre au lit. La lanune qui peut faire bien frais, il peut cause pour Madina, pour Makala. Quand fait frais là-bas, nous faisons de 5 degrés, 5. Maurice nous parle bien. Maurice, ma frère, a venu pour mon jacket, mon chipolo, le moment, mon père, il a fait besoin de l'écompteur. Quand il arrive au 5 degrés, mais quand arrive au 5 degrés, on trouve un dimon transpiré. Mais qui n'a pas pris ce moment-là? Qui n'a pas pris? Parce qu'il dans ce moment-là, Wahid, il peut descendre au lit. Mais qui descend au Wahid-là? Wahid-là, c'est parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chef précède, il est sur un chameau. Un chameau. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous, « Afala yandurouna ilal ibili kaifa khuliqat » Et si ce n'est pas qu'il y a un chameau là, comment nous créons-nous? Il y a quelque chose qui est dans un chameau. Pour dire tout ça, il y a un chameau là, Allah subhanahu wa ta'ala a mis nous à réfléchir à l'eau là, excepté qu'il vraiment nous a une caractéristique qui ne sont pas pour nous. Chef précède, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de ce chameau. Ça chameau là, assisé. Assisé. Et le prophète là, qui fait Wahib et descend. Ça pour la fin de chameau assisé. Pour qui descend, fait chameau là, assisé. Mais par contre, là, qui était sa lousse. Ça qui nous appelle Wahib. Ça qui nous appelle Ayat pour Antopi descend. Mais qui pourrait y en achever? Qui pourra l'ina pour qu'il s'amou bien assisé, pas fait qu'à partir. Donc, faire bien la différence. Au fait, qui peut faire l'effet le moins et qui t'y bisin peut faire, qui t'y bisin peut faire l'effet le moins. C'est ça qui m'a demandé dans la manche, Inch'Allah. Ça t'y bisin, plus réveille-nous. Ensuite, nous venons, nous tiens une petite explication là. Et nous, pas, et j'ai passé, nous pas ne comprenons rien. Après, j'ai été opposé à nous comprendre. Mais ça, même, j'ai de la masse déjà. Ça qui nous a dit, Inch'Allah, dans quelques minutes là, mais l'imam, il est ça même de la masse déjà. Mais seulement, ça qui pourrait être, c'est quoi? C'est un hadith qui nous sont sur notre ordre, voilà, il nous a fait une petite description. Mais seulement, nous commençons pour nous dire, si ça, tu rappelles de ça que nous avons terminé, ça nous passe. Alhamdulillah, ce que nous avons dit la semaine passée, c'est la place, l'heure, le moment, la façon éclaire qui nous coulore. Et ça, les salam, quand il descend. C'est passé, alhamdulillah, à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce prophète-là vient enseigner nous l'heure, la façon, place et l'heure qui nous coulore. Et ça, les salam, le moment, l'heure qui descend. Et Alhamdulillah, à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, nous venons trouver qu'il y a les temps qui sont prophètes là pour rester sur la terre. Dans ce moment, les temps qui sont pour rester sur la terre là, qui y a un travail pour nous. Parce qu'il faut nous expliquer bien, Alhamdulillah, ce même passé, c'est qu'en tant qu'un prophète, il est envoyé vers un peuple. Mais, Oumma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quoi qu'il y ait un autre prophète. Donc, il n'est pas venu pour sa peuple là. Il n'est pas venu pour ça, pour sa peuple là. Risa les salam, sur Ouma, il finit par ses autres. Il n'est pas venu parce qu'il n'a pas les autres travail pour continuer à se dire. Et nous disons qu'Alhamdulillah, comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient expliquer nous, de seule époque quand il descend, après avoir qu'il fait fini du Dajjal, pendant sa 7 première année qu'il est pour la terre, il y a 40 ans qu'il est pour la terre. 40 ans qu'il est pour la terre, il y a 7 premières années qu'il est pour être là, qui a des livres pour vivre. Qui personne pas pour là, l'ennemi de personne. Qui indique qu'il passe contre un lion, lion là pas appelé. Indique qu'il pose les pieds loin de servant, servant là pas. Pas attaquer. Qui garde même aux animaux envers insan, ça qui appelle l'ennemi de la haine là, pas pour une aucun moment, pas pour une. Ça qui nous vit bien. Mais seulement, cher professeur, Isa alayhi salam, l'on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, oh Isa, à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Qui va dire qu'il vient de Zwendi, il passe la main de Zwendi de la tête. Il cause avec Zwendi et il dit à Zwendi, Zwendi d'Arodia, Zwendi d'Egri, comme ça je pourrais être là, d'Adjana. Ça, Isa alayhi salam, comme pour la terre, parmi ce bon action qu'il faut faire. Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire lui connaître sa bande de Mouna, Zwendi d'Arodia, Zwendi place comme ça pour être là, d'Adjana. Il fait faire sa action la même, il gagne un lot depuis Allah. Oh Isa, prends le moment de serviteur, monte aux montagnes. Il peut faire cette action-là. Or, Isa, prends le moment de serviteur qui, moi, je sauve ça depuis le diable. Sabana, prends le monde, monte aux montagnes. Quand il arrive l'air pour moi, il y a un autre fitness. C'est qui fitness, cher professeur? C'est ça qu'il appelle Gog et Magog, ça qui doit pour un que Allah subhanahu wa ta'ala cause lui. Et plus précisément, un de ce qui nous vient d'entendre de Namaz déjà sur la 21 et de Surah 18 sur la Kaaba. Et de Surah 18 sur la Kaaba. Comme on nous disait, il y a des chers précédents, quand nous faisons sur la Kaaba, nous faisons oublier un Surah qui dit nous, il y a tous les vendredis, un à 110 aïens. Mais seulement quand nous réfléchissons bien, il y a un test, un fitna qui vient là-dedans. À l'exemple des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, celui qui mémorise 10 premiers ayats de Surah Kaaba, il est protégé contre Fitna Dajjal. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, quand il peut dire, nous, ces 10 premiers ayats là, ces 10 premiers ayats là, sans aucun doute, quand il peut dire, ça s'ouvre là, nous trouve Fitna Tentation Test. Le casse, les enfants, de sa même sourire, nous trouve Fitna Tentation Test. Moussa de Salam, basant le connaissance, il va penser les complices. Et à la fin, juste après l'histoire de Moussa de Salam, dans sa surah la même, Allah subhanahu wa ta'ala dit, voyez al-Munakaran, c'est le Qornin. Je ne pose pas question concernant, c'est le Qornin. Le Qornin, c'était Kisana. Chers frères et sœurs, ce n'était pas un prophète. Ce n'était pas un prophète. Mais seulement parmi un événement qui vient en place de seule époque. Plus précisément, parce que c'est celle place qui est mentionnée dans le Coran et mentionne sur l'histoire, c'est d'une faire face avec Gog et Magog directement. Dirkonen, d'une faire face avec Yadjouj et Mamadjouj directement. Et c'est lui-même qui a subhanahu wa ta'ala fait choisir pour renfermer Dieu à Zodji Kodjodeti. Pour le commencement, là, chers professeurs, premier point important. Un celui qui est un imam, qui font partie de l'Umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît comme il dit, il y a Bani Adam, aux enfants Adam, les connaît des causes avec lui, les bizarres et dans toutes ces attitudes, qui, Gog et Magog, il y a tout Jama Mahjoud, ses enfants Adam alayhi salam. Ça prépare quelque chose de nous dire. Ce n'est pas une création pour venir croire extraterrestre. Si pas il prend la bonne forme, oui, il y a une caractéristique qui est prenant avec eux. La façon qu'ils ont été. Mais seulement que Dieu soit chers, je ne s'applaudis, je ne tombe comme ça même. Non, chers frères et sœurs, ces enfants, Adam alayhi salam, ça prend quelque chose de nous. La beauté de Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'on fait cause avec son compagnon, il dit à ceux. Jour Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala pour dire Ya Adam, oh Adam. Adam alayhi salam dit La bête wa sardeika wa al-khair fi yadayk. La bête au présent, wa sardeika et la joie auprès de toi, wa al-khair fi yadayk et tout du bien que tu as la main, oh Allah. Dans ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Oh Adam, détruis tes enfants. sac 1499 poils dans l'enfer là, tiens-le là dans l'os. Oh Adam, débris tes enfants. Le sac 1999 poils dans l'enfer là-dedans. Veut dire dans 1000 parties qui parlent dans l'enfer, combien Adam l'a sauvé sauver là-dedans? Un seul. Combien dans l'enfer? 999. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il explique cet événement-là, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ukhruj min ba'thi an-nar » Il dit, « Ben, tu es dans l'enfer, même ça. » Comme il y en a, il y en a mille. Comme il y a Adam alayhi wa sallam qui a sauvé là-dedans. Un seul. Ben, le sahaba dit, « Ya Rasulallah, avec ça, un pomino qui précise s'appeler la rose. » Ou imaginez-vous, le mille, un seul qui s'appelle là-dedans. Comme il y a la rose. Le contraire, d'une autre façon, c'est parole Omar radiallahu anhu. Parole Omar radiallahu anhu, cher professeur, quand il dit, si me donne la voix d'Yel ou l'échelle, ô habitant la terre, ce tout bout dans Janna, excepté un seul. Omar radiallahu anhu dit, vous pouvez être en chômage ça. Ô Omar, toi, ô habitant la terre, ce tout bout dans Janna, excepté. Un seul. De tous les habitants de la terre là, on va leur dire non, on va nous dire, et dire, vous pouvez être en fou de moi. Ici, Adam a les salams pour gagner l'autre pour dire, un seul. Chers frères, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, commençons sur le Hajj. Quand nous sommes sur le Hajj, que Allah subhanahu wa ta'ala te dit, il y a une autre chose. Au bandino, pièce de l'Europe, pièce à jour pour la terre pour tomber là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah 22, Surah Hadj, il décrit cet événement-là. Qui événement? Il dit, à jour que tu vous trouves, ban qui zen, de ces vêtements-là, ban qui envoie parmi deux naissances, tu vous trouves, ban dimo, dans l'état des sous les eaux, au fait de ban sous. Watarlanda sa soukara, wamamu soukara, wala kin adam wa shahim. Donc, pour Bandimou dans l'état de soumaison, en fait, je parle sous non, non, la zone. Mais seulement 10 pour événements qui peuvent prendre place. Voilà qui met seulement Adam Allah Michelin, Pinchon Allah subhanahu wa ta'ala, les bien, il bien sévir. Basant l'eau là qui Bandimou n'a pas envie comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est la même qui arrive, cela. Là, c'est quoi ça? C'est quand Adam alayhi wa sallam peut bien dire, elle sait. Des vous amis qui peuvent aller là. Tout le monde rentre dans cette étape là, oui non. Moi, si nous parlons au parti 1000, ou bien attendre, ou rentre dans 1000, ou pas connaître pas, ou soit un an, ou 999. Devenez comment qui vous entasse, vous pouvez être. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je suis pressé, il trouve tout le Sahaba, il rentre dans un état qu'ils ont fini comprendre que Dieu pouvait être. Dès là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, gagne la bonne nouvelle. Qui s'en 999 là, depuis il y a tout un moment, Dieu, ça en a des vignes, ça en a. Veut dire que ça a 1000 qui peut aller là, 999 là, c'est qui s'en a ça? C'est quoi qui m'a dit? Adam et Sam, c'est sur qui s'en a dit? Ben, qu'il faut une partie de ses enfants, mais seulement de qui faut, de quoi pour moi, nous l'aider. Pour une différence entre les banans. Quand nous venons de nos caractéristiques, Inch'Allah, de faire une minute de nous relire. L'autre forme, avec cette forme, même cet enfant Adam, chef frère, quand il était fini connaissant une gloire ma gloire ça. Quand il était fini connaît. Cet enfant Adam, oui, mais seulement toi deux, toi tu gloire et ma gloire. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi? C'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il amène sa bonne nouvelle là. Ça, c'est un pour une qualité qui tient dans les prophètes. C'est quoi? Il n'y a pas d'espoir un dimon pire. Mais seulement à la fin, il fait le gain, gain sa espoir là. Et lui, il fait l'issue de gagner l'espoir, sans qu'il fait le gain, gagne la prière. En deux mots, je précise, un petit monde n'est pas fini, il fait un coup de bas, Djanna comme ça, Djanna comme ça, Djanna comme ça, Djanna comme ça, Djanna, Djanna, Djanna, Djanna, Djanna, puis il va arriver maintenant, il y a un peu. Tout le monde est en écouté, il gagne, eh bien, tout le monde est Djanna. Mais de l'autre côté, il y a un peu plus. Principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je précise, il amène tous les dés. Il amène tous les dés, hein, ensemble. Faire du mouna, gagner prier, et en même temps faire du gain, ça qui appelle l'espoir. Nous continuons, chers frères et sœurs, nous retournons avec nos hadiths. Dans Mousnad, Al-Tuya dit si, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya'juj wa ma'juj min waladi Adam. Gog et Magog, depuis walad, depuis enfant, Adam alayhi salam. Donc, dès là que nous pouvons guider la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté nous pouvons comprendre, alhamdulillah, qui Gog et Magog, c'est qui création ça à l'os. Depuis Adam alayhi salam. Nous continuons, chers frères et sœurs, avant nous vivre nos autres qualités, c'est l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Et alhamdulillah, ça me passait quand même un ticket qui vient de passer d'eau. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, c'est qui ça n'a un de souvent parole quand il peut cause dans sa ayat qui nous fait tendre de la masque et Isha, qui trouve dans sur la fête et sur l'anmiya. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit Hum min dhurriya di Adam bila khilafin a'lamu. Il dit à Gog et Magog, depuis enfant Adam, il n'y a aucune divergence là. Qui a été ici à nous? Qui a été l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, ici? Il dit Bila khilaf na'lamu. Il dit nous n'avons aucun khilaf là. Nous n'avons aucune divergence là. Quelqu'un pour venir vous dire Gog et Magog, non, pas enfant Adam ça. Il dit non, monsieur, tout connaît ça. Tout connaît ça, qui Gog et Magog, c'est depuis enfant Adam alayhi salam. Ça, c'est la première chose. Nous continuons, chers frères et sœurs, comment nous dire quelques minutes de cela, get an insan, get gog et magog. Jean, mais tu n'es pas insan, non? Oui, tu l'es pour insan, mais seulement nous différents chez eux, basant nos bonnes caractéristiques, bonnes qualités qui viennent, physiques qui sont énormes. Qui bonnes qualités qui gog et magog énormes? Nous, alhamdulillah, quand nous sommes insan, nous connaissons. Mais comme une bonne qualité, c'est le hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand il décrit, il dit « Wahum aradul wujud » Har, har qui veut dire « Ayn redor » Ayn redor, quand nous dit par exemple quand Allah subhanahu wa ta'ala décrit le jannah, il dit « Sabiqu ila ma'firati min rabbikum wa jannatin har duha » Har veut dire l'auzir, oui, l'auzir. Qui fait nous prendre cette ayat là? Parce que beaucoup de monde y pensait, c'est Otiya Jannah. Otiya Jannah, les comment? L'Otiya l'échelle. C'est pas Otiya ça. L'Otiya l'échelle, c'est distance qui l'auzir Jannah. Et non pas Otiya Jannah. Nous redis. Dans cette ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Sa djannana se loger karal du samawat ou an or. L'ikoumadir, l'échelle la terre. Oh donc, ce n'est pas au dire djannana qui koumadir la terre l'échelle. Non. Mais c'est ça, se loger ça. Quand vous prenez pour un côté ou à l'autre côté de djannana, koumadir ou peut sauter la terre ou bien l'eau l'échelle. Ou bien sauter d'un côté ou de l'autre côté. Ça se loger. Et non pas au dire. Au dire parce que nous ne connaissons pas y était. Othé nous pas connaît qui Othé l'idée. Nous continuons pour nous dire Ah, veut dire l'orgir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Aradul Rujou. Watch, veut dire figure. Je le figure pour bien l'os. Ça prend une petite chose qui vient là, Gog et Magog. Je le figure, chers frères et sœurs, pour bien l'os. Attention, avant qu'il. Parce qu'il est plus trop clair. Depuis dans l'esprit, quand ça s'est venu à peu près. Parce que dans le même hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue d'écrire, il dit Wasirar il royoun. Et je dis vous, Tchitchi, j'avais moi dit c'est noir. Il n'y a pas de doute. Non, non. C'est même ce que nous voulons dire, mais il a loin de là. Effectivement, quand nous prenons caractéristiques de Gog et Magog, quand nous guettons l'étape qui dit le Qur'an qui nous prend, quand nous guettons parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il demande à l'idée de la vie dans l'Est, quand nous guettons dans l'Est, le monde, le monde, le monde, qui va le pays qui nous réunit, excepté le pays asiatique. Excepté le pays asiatique. Directement, précisément, quand je le dis, ça ne m'apprenait pas. Mais seulement quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans Madina et l'idée de la vie dans l'Est. L'idée de la figure plate et de l'idée pour. Pour Tchipchi, qui description nous mettons devant nous? Excepté c'est un habitant qui vient depuis de sa place là, l'eau le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam contient de dire Wujuhukum al-Madjan al-Muttar. Et je figure, les Madjan vont bouclier. Vous voyez, c'est quoi bouclier? dans la guerre, quand nous mettons sur devant nous, et au milieu devant nous, pour protéger nous. En deux, pour se figuer, vous bien plate. Trois descriptions pour son environnement. N, je figuer, vous loge. Deuxième, je figuer, vous petit. Et troisième, je figuer, vous pointez, vous pliez, en deux, pour les vous, et vous blâme. Trois descriptions, chers frères et sœurs. Si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous ça sans aucun doute, un prophète avant, chers frères et sœurs, je vous donne ça quelque chose là. Et plus encore, Adam alayhi salam, à partir de là, l'éclair qui Adam alayhi salam capable de faire ça en 1999 là, c'est trop facile. C'est trop facile pour Adam alayhi salam, l'éclair ça en celle là, depuis ça 999 figuier plat, figuier l'os avec Tidji. Pour Adam alayhi salam, même événement là, étape là, le plus difficile, mais seulement de trouver qui s'en a qui est Gog et Magog et qui s'en a qui pas Gog et Magog. Nous continuons, chers frères et sœurs, quand nous venons connaître, alhamdoulilah, ces enfants Adam, deuxième caractéristique physique de Gog et Magog, troisième, c'est concernant le nombre qu'ils ont été. Quantité. Qui fait nous être comme quantité? Ben, imaginez-nous, l'eau, N, est égal à pour combien? Si nous faisons le ratio. Si pour nous, N, pour combien besoin de 999. Si nous, D, nous allons. Si nous, 3, nous allons même comme ça là. Mais combien nous sommes égales? Mais pour combien nous besoin de ça nous fait considérer le ratio, là, nous pouvons toujours faire un hadith. Basant l'eau, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jour priyama, N est égal à 999 Gog et Magog. Mais nous pas un l'eau sur la terre dans ce moment-là. Combien nous étions? Si nous prenons l'île aux musulmans de Maurice même, mais quand nous prenons l'île aux musulmans dans le monde actuellement, mais si nous prenons l'île aux Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et si nous prenons l'île, prenons depuis Adam alayhi wa sallam jusqu'à dernier musulman sur la terre. Mais combien nous étions? Mais vous pouvez bien comprendre Gog et Magog, combien vous étiez à l'eau? Parce que vous tiez un des plus sacs de 1999, vous faites vous compte une bloquée là. Car il y a plus. Plutôt les solos, il y a de la lumière pour y faire ça compte là. Mais pour nous, nous avons besoin de chiffre nous. Un croyant n'est pas compte. Il n'est pas compte chiffre. Un croyant, c'est un qui vient quand le prophète s'entendant, voilà, il va seul un film fini, mettre quelque chose devant lui. Ensuite, il se réfléchit nous là. Il trouve, oui, voilà, beaucoup. Ok. Non, non, nous avons de nom exact, mais tu vas partir. Tu perds fatigue, toi. Quand on sort sur le moment où Allah nous a dit à nous, pour un seul qui, dans un hijja, il fait appliquer en ribada qui est navé dit à l'IVS-10, il gagne récompense quand c'est poil qui est dans l'eau sans animaux là. Qui doit la c'est de pas compter, mais vous êtes au courant de vous. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient montrer toi le chemin, c'est pour dire quoi? Mais quelle quantité récompense? Tu n'as pas besoin de gagner? Il y a le chiffre exact, toi. Toi, tu as le chiffre exact. Pareil comme ça, même quand on dit nous, un lot est égal à 999, qui veut dire que tu dois compter. Mais seulement ça qui te besoin de connaître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Hadith Houdef et Yaman, radiallahu anhu, chef et seul, divise tous les livres. Les divise, Gog et Magog. Comment les divise? Quand ils disent, Houdef et Yaman, radiallahu anhu, parle, سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج. لتجمع في دمن النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة هو جوب معه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جي يأجوج أمة ومأجوج أمة. جوب ستن أمة ومأجوج ستن أمة ستن بعض دوجمة. وتجمع النبي كوزا النبي كوزيس ديلا زيس دي جوب معه. النبي كوز ان بعض كومPLEMENT. C'est un peuple qui nous fait causer. Pareil, comment nous dire tel peuple, quand on peut dire le mot Gog, qu'on est pour dire là, un peuple complètement là. Et quand on peut dire Magog, c'est un peuple complètement. C'est pas une seule création qu'on peut causer là. Non, là, on n'a pas parlé de singulier. Mais seulement, lorsqu'on sort dans l'ordre pour aller, il va se dire Yadjouj, Umma, ou Amadjouj, Umma. Yadjouj, c'est un peuple, c'est un Umma dans lui-même, et Amadjouj, c'est un peuple dans lui-même. De là, chers frères et sœurs, nous finissons de comprendre qu'alhamdoulilah, si c'est un peuple, on a le nombre avec eux, oui, non. On a le nombre avec eux. Le nombre, comment deviner, Rasul sallallahu alayhi wa sallam li konti Ummatun adbaramiya alfin Li diye, quand tu peux dire Google, et dire le début, là, quand tu sautis, quand tu sautis, ça ouvre qui appelle Google, et il y a 400 000 là-dedans. C'est ce qu'il faut. 400 400 000. Et Mago, il y a combien? Il y a 400 000. Parce qu'il y a un petit peu seulement. Pas pressé. Pas pressé, parce que 400 000, 400 000. Mais nous, 800 000, 800 000, valeur du jour, quand on peut causer, c'est 800 000 qui est bloqué de sa couleur. C'est 800 000. Valeur du jour, quand on peut causer, nous peut causer combien il est bloqué? Quand on dit à l'heure, de la transition, nous peut être là. Ziska hatta ida futihat, ya tu me diras, tu me Ziska qui se presse, ouvrir. Mais tu sais, je vais ouvrir là, je suis outil. Mais si je ne peux pas ouvrir, je enfermer, oui, non. Mais quand je suis enfermé, qui est enfermé? Gogé Mago. Oui, mais c'est moi, nous apprenons, alhamdoulilah, Gogé Mago, ce n'est pas dit. Mais combien? Elle n'a ses 400 000 et deuxième lancé, c'est 400 000. Ça, c'est pour un point concernant eux. Je suis sorti. D'ailleurs, Inch'Allah, d'abord, nous venons de sortir. Mais quand je suis sorti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yamoutu lil rajulu hatta yandiru ila alfin dakar. Il dit, mais il n'y a aucun initié parmi vous. Ou bien Mago. Il n'y a aucun initié. Il veut dire, merci, monsieur, madame, oui, non. Parce qu'ils ont pas madame, ça. Parce qu'ils ont pas madame qui peut comprendre ce qu'on peut dire. Pas qu'on a non, il dit, mais bon, c'est accepté par une description qui, lorsqu'on s'en va pas, vous en avez donné. Donc, il dit, il n'y a aucun initié parmi eux qui mourent, excepté les qui tombent. Il dit, il y a pour 1000 michés d'ailleurs. De sa 400 000 là, je suis impressé, mettre et n'a 200 000 Michel là-dedans. Ça, Michel qui mot, il dit combien il y a il quitte pour 1000. Dans sa 1000 là, quand un mot là, dans combien il quitte est-ce qu'il y a il quitte 1000. Dans sa 1000 là, déjà il y a un mot, combien il quitte y a il y a les mêmes mots que ça. C'est nous qui avons le nom pour le premier. Ça qui bloque, même c'est 400 000. Mais seulement comment un Michel il mot pour Michel. Combien il finit quitter de Yali seulement 1000. Zissi tout seul, prends sa première qui mot là. Dans sa mille là, premier Michel, il dit 10 Michel, il dit 10 Michel. Parce qu'il faudrait un Michel mot là, il quitte encore combien? Encore 1000. Si deuxième là mot, il quitte encore 1000, troisième là. Peut-être si ça 1000 là mot, ça 1000 là, ça un mot miseux, ils ont mis combien de yeux? Ça qu'il quitte 1000 pour l'idée. Regardez ça. T'as l'économie de la case, Gog et Mago, 400 000, mais qu'est-ce qu'un Michel pour 1000, 5 000 là, c'est comme ça, je pose au pitot pour 1000, 5 000 là, quand il mot, il y a ce terme, combien il peut dire, il y a ce terme 1000, il y a les mêmes pour ça, mais combien il peut venir à l'os? Est-ce qu'il y a un grand nombre de récits qui a nommé le nombre, vraiment, comment il faut énorme? Parce qu'il nous brisait le chiffre, récits arrivés, à l'âme de l'île, même nous parlons le chiffre exact, récits fait nous-mêmes comprendre qui vraiment est pour extra pour toi. T'es pour extra? Extra beaucoup parce qu'il est égal à 999, je l'ai appris. C'est pour ça qu'il est pour bizarre, extrêmement beaucoup, qu'il ne peut pas arriver qu'on voit combien est énorme. Parce qu'il est égal à 999, et ça n'est trop loin cette fois. Donc quand on prend ça comme ça, et quand on dit dans la case, ça laisse travailler dans le papier. Nous vous trouvez des intérêts. Vous répondez beaucoup de temps. Vous finir. Une fois, alhamdoulilah, on gagne sa tranquillité là, oui, non. Qui tranquillité, mon gagne? Pas mon récit connu, comme Mago, 980, non. Mon récit connu, alhamdoulilah, voilà, vraiment. Quand je vais dire, tiens, un là, je vais dire, un pour une à l'autre. Parce que maintenant, 980, c'est une place de beaucoup. Au moins, nous gagne sa tranquillité. Nos récits comprennent, vous que mon récit comprend, mon Allah, mon comprend événement qui comprend, la chose qui est à moi. C'est un cas de croyance. Quelle croyance, un service qui n'a pas l'université comprend quelque chose qui n'est pas encore, pas qu'on prend place là. Mais c'est pas l'alhamdoulilah, l'idée de la tête, oui non. Mon convaincu là-dedans, oui non. À la lumière de quoi? Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que nous, ça prophète là, ce sont des paroles éclaircies. Une croyance éclaircie par parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, éclaircie par parole, Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, vous venez. Dans un visage, nous venons de notre nom, nous venons de physique. Physiquement, ça te dit. nous encore dire nous-mêmes vraiment alhamdoulillah Adam Alexandre moi qui était pour connaître nous ces enfants côté insane ça m'a gouré ma go. C'est dans le même hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il appelle Dieu, il donne Dieu pas non. Il donne gouré ma go pas non premier, deuxième, troisième, il donne pas non. Quand vous avez fait du liaman, j'ai dit à Rasulallah, mais qui est ça maintenant? Il dit, ça maintenant qui vous donne Dieu là, c'est un chajara dans le Hicham. C'est un pied qui tombe dans le Hicham. Hicham veut dire la Syrie, la Jordanie. Et ça, alhamdoulilah, comme nous dit, chers frères et sœurs, je ne vois pas le monde dans ce qui part avec nous, mais seulement un artiste, comme nous dit, ou un croyant, il ne va pas nous enlever de ma kamadina. Il va dire, c'est l'opposite côté. Non. Est-ce que Hicham concerne nous dit, oui, non. La Syrie concerne nous dit, Jordanie concerne nous dit, ça va le pays de la concerne nous dit, oui, non. Parce que le temps nous quitte depuis Dajjal, quand il nous pose question concernant ça, la rivière, que trouver Jordanie. Ça vient d'un qui nous pose question, à quoi ça trouver Jordanie. Quand nous pèguons, les comparaisons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené, un seul, pour nous comprendre qui grandit à ce l'été, l'exemple de qui pied qu'il prend. Un pied qui trouve la Hicham. Il dit, cherche un truc de Hicham. C'est un pied qui trouve la Hicham. Tout le chajara, richrouna, mia, qui dira, m'fissama. Il dit, un pied là, parce qu'il fait qu'on s'en va dans la Madina, et là, bon, je parle ici, Al-Dam Hicham. Il dit, c'est un pied qui m'a bien décrit à ce plat là. Il fait 120 coudées. 120 coudées, et elle est chez vous. 120 coudées, prends les plus beaux coudes, l'inska, pour la mine. 120 comme ça est égal à N. N pour mine, peuple de gauche, ou bien ma gauche. N c'est. Et qui commandait, il est déjà fait. Et Adam alayhi salam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de description, qu'il y a même un habitant de Jannah qui opérant de Jannah, il dit, et se tout prend de Jannah. À l'âge de 33 ans, l'eau partir. Ça qui Allah subhanahu wa ta'ala fin gré, Adam alayhi salam. Donc, on a une pose question de dire, et c'est 30 coudées. 30 coudées. Les gog et magog, sur le peuple, combien pour être les autres? 120. Qu'est-ce que je veux dire, Alice? 120 coudées sur le peuple. Chers frères et sœurs, imaginez-nous, c'est-à-dire, 10 autres descriptions. Quand nous met Dieu. Quand nous met Dieu, comment nous fonctionnons? C'est la façon que Allah subhanahu wa ta'ala fin créé. Chers frères et sœurs, pour nous terminer pour aujourd'hui, et Inch'Allah l'autre semaine, ça qui pourra avec nous, c'est quoi? C'est concernant ce fitna. Inch'Allah l'autre semaine, ça qui pourra avec nous, c'est concernant ce fitna. Et ensuite, nous prenons le mot, mais c'est bon pour aujourd'hui, pour nous terminer. C'est quoi nous voulons dire? Je donne grâce. Je trouve la terre là? Oui, je trouve la terre. Je trouve la terre, c'est à nous poser là. Pas dire ça, Dieu. Mais comment Dieu? Je veux dire la terre? Oui, je veux dire non. Pareil, moi, Dadja, l'eau la terre ou non? Dadja, l'eau la terre. Gog et Magog, ça qui nous fait décrire des paroles, le mauvais sallallahu alayhi wa sallam. 120 coudées. Figuier la plate, figuier la loge, tirigé. Est-ce qu'ils ont de l'eau la terre, ça maintenant? 400 000. Oui, c'est de la terre, j'ai apprécié. Pena aucun doute là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avant ça, nous avons un dévoi. Ah, comment le dévoi, Dieu? Oui. Un dévoi pour nous-mêmes, je veux. Pour qu'il vous dirait, nous passons 6 000 promis qui n'écoutent, ils n'allaient. Mais seulement mon écouter, mon aller et mon affaire. Parole la faire, les villes. Moi, la case, comme une pas 18, ou bien demain après Fajr, je vais sur la 18, sur la Kahaf. Je prends à partir à 92. Voyez ce que vous avez dit. Je descends jusqu'à 80, 98. Lien-li, posez-moi seulement. Lien-li, posez-moi. Quand vous finissez, lien-li, je vais comprendre, alhamdoulilah, je vais amener ça, hadith qui nous peut terminer là. C'est quand vous connaissez une barrage devant Dieu. Mais dans le barrage devant Dieu. Vous voyez qui drôle là-dedans? Quand vous pouvez dire physique, vous pouvez dire ça, vous dites ça, les mots. Vous avez dit que vous avez tout ça. Mais tout en main. Mais tout en main. Parce que sallallahu alayhi wa sallam, and friend Sahaba Ibn Walid Jalil. Ra'aytu sadda mithlul burd al-muhabba. Il dit, mon passe en place, mon trouve comme la toile mordante. Ya Rasulallah, mon passe en place dans l'Est, comme je peux venir, place là, moi j'ai la toile. La toile noir blanc et j'aime pas savoir le bon sallallahu alayhi wa sallam qui dit j'ai dit ra'ayta hu il y a un récit pour ce d'alors un récit pour savoyer qui n'a pas entre nous et le remarque et savoyer la qui dit et savoyer la qui dit il m'a dit la toile chez vous par quoi on va dire il m'a dit tout homme il m'a dit israélien il doit pas les signes pour m'a dit on va pas courser on doit faire la terre non. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait amen, il dit le il fait sa action là, pas que j'aime quelque chose. Quand vous guettez en lieu, vous trouvez les représentants de matière la toile. Vous trouvez maintenant 800 000. Vous passez de faire ça ou non. Mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala, pas qu'il vous guérit de sa façon là. Comment est-ce qu'ils ont sorti, chers frères et sœurs, et des hadiths Alhamdulillah, quand nous parlons de sur la 18, mais vous trouvez. Surtout si nous pouvons lire un Coran qui est un hadith attaché avec lui, nous pouvons valer la phrase Inch'Allah. Ce n'est qu'en prononçant sa parole-là qu'ils ont pourraient s'y sortir, ça qui va avec nous, Inch'Allah, l'autre semaine. Ensuite, ben, le fitna qu'ils ont pour faire et ceux de l'amour. Et ceux de l'amour. Qui fait cher presser, ceux pour des millions de salatiers-là. Mais seulement être sûr, ceux de l'amour, tu es un seul bon miseur. Et tout. Et tout le monde. Ça, c'est l'action qui, Isa alayhi salam, qui Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire en place le salatier là, pour finir sa peuple là complètement. C'est ça qui va avec nous, Inch'Allah, de semaine. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sallam, wa sallam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.